Bonsoir, il est 20h30, c'est l'heure du Memento sur Radio Panique. Ah, salam, je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? J'y ai vraiment trop cru. Voici venu l'heure du Memento. Good morning, Vietnam! Bonsoir, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode du Memento. Et pour changer un petit peu d'habitude, on va vous raconter que ce soir, le Memento, c'est avant tout une famille. On a été 4 ou 5 à créer cette émission il y a maintenant 6 ans. Tout ce petit monde contenu aujourd'hui a contribué de près ou de loin au Memento. Et ce soir, dans cet esprit, eh bien, on va faire une partie d'un concept dont on parle depuis toujours, à savoir inviter de la famille pour un peu parler quelque part de, et un peu rendre hommage à tout ce que nous ont transmis comme musique nos parents. Et ce soir, eh bien, on a invité François et Jocelyn, à savoir le papa et le frère de Fanny. Donc François et Jocelyn, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce Memento. Bonsoir. Salut Arthur. Et très belle voix, très belle horloge parlante, François. Merci beaucoup. De rien, Arthur. On aime beaucoup la clope à la radio. C'est très très bien. Et donc, ce soir, on va explorer, comme j'ai dit, la musique. Et en fait, si j'ai bien compris, François et Jocelyn sont venus avec plein de petites histoires, plein de petites choses. Et donc, le Memento famille, c'est tout de suite sur Radio Panique. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'était donc Wilson Pickett et son Land of Thousand Dances. En fait, moi, j'ai voulu vous partager ce petit morceau. Et d'ailleurs, celui qui vient juste après, qui est Here Comes the Hot Stepper, qui était en fait tiré dans le sample de base de ce morceau, a été pris justement chez notre ami Wilson Pickett. Je vais le couper juste 30 secondes. Et pour démarrer cette émission, je trouvais ça pas mal pour avoir un petit peu de patate. Et au final, justement, ce morceau, j'ai découvert de façon différente, dont dans le film Paris de Clapiche, où Lucchini est en énorme kiff sur cette musique, où il est totalement, il fait le con devant son amoureuse qui a genre 30 ans de moins que lui, qui est autre que Mélanie Laurent. Et voilà, en fait, il danse comme un taré et il est en énorme kiff. Et c'est un chouette moment de voir notre ami Lucchini être un peu foufou comme ça. Bah, juste pour l'anecdote, en fait, le film de Clapiche Paris, il joue un prof d'histoire. Donc moi, ça résonne beaucoup parce que je suis prof d'histoire moi-même. Et quand tu vois Lucchini dans le film, t'as envie d'être prof d'histoire en fait. Enfin, je fais pas la pub pour mon métier, mais des profs d'histoire comme Lucchini, on aimerait bien avoir tous les jours. Il était très classe. Hein. C'était, j'avoue, franchement. Il était très très classe. Et l'autre façon d'avoir découvert ce morceau, c'est grâce à un disque Toyota, qui était une compile Toyota que mon père m'a ramené, avec justement ce morceau de Here Comes the Hot Stepper de Inni Canosa, Canosé même, et avec ce fameux nananananana, très connu. Et qui est vraiment très très chouette, et quand j'étais jeune, je trouvais ça assez fou comment dire, ce que ça évoquait d'espace, de jungle, de trucs comme ça, je trouvais ça assez dingue, et le groove du truc est dingue. Et apparemment, le nananananana du début viendrait pas de la version de Wilson Pickett, mais de la version des Cannibal and the Headhunters, où, en fait, apparemment, dans les débuts de la chanson, ce nananananana viendrait du fait qu'en live, le chanteur s'est un petit peu planté et a un petit peu oublié les paroles, et il a chanté ce truc-là, et les autres se sont regardés et ont dit « Ah, mais en fait, c'est très très bien !» Et du coup, c'est resté. Et voilà, c'est toute l'histoire de ce Wilson Pickett and Land of a Thousand Dances et de toutes ces versions qui ont quand même pas mal vécu. Pour la suite, c'est François qui nous vient avec quelque chose d'un petit peu plus rock. On est un peu plus tard, on est dans les années 70, Deep Purple, les années 70. Oui, années 70. Mm-hmm. Donc à l'époque, j'étais un pré-ado. Et j'aimais beaucoup ce style de musique. Et donc, j'avais pas trop d'argent, donc j'avais fait un petit job d'été. Et avec les premiers sous que j'ai gagnés, je me suis, comme pas mal de jeunes de mon époque et tout, donc je me suis offert le vinyle de Deep Purple, Machine Head. Donc dedans, il y a le fameux morceau Smoke on the Water, mais il n'y a pas que ce morceau-là. Et on découvre dans cet album que déjà que Deep Purple, bon, ils ont un chanteur qui a une super voix, Ian Gillan, et puis des musiciens quand même, ça envoie déjà, ça donne la pêche. Et c'est des gens qui ont un bon niveau musical, ils savent lire des partitions et tout. Et moi qui joue aussi un petit peu de batterie, il y a Ian Pace à la batterie qui est un excellent batteur. Et voilà, dans ce morceau-là, on les découvre tous, et puis on voit que c'est des bons musiciens, et puis ça me rappelle ma jeunesse, et puis c'est la pêche, quoi. C'est trop bien. C'est donc Space Truck in Deep Purple. We'll be right back. C'était donc Space Trucking de nos amis, de nos grands amis qu'on connaît bien, Deep Purple. Et on se disait justement que c'est bien, et c'est toujours ce qu'on fait souvent aussi dans le Memento, c'est-à-dire de passer autre chose que le méga titre super connu, parce que Smoke on the Water, on a un peu fait le tour. Mais en fait, on se disait en off avec François Josselin que, ben en fait, il y a plein d'autres choses qui sont très très bien de Deep Purple. Et vous parliez d'un album qui était peut-être l'album à écouter si on voulait découvrir Deep Purple. Ouais, Machine Head de 73, bah, en fait, qui regroupe vraiment les gros hits de Deep Purple, Smoke on the Water, Highway Star qui a été repris en plus par des super groupes comme Dream Theater, un groupe de rock progressif. T'as Lazy, papa en parlait tout à l'heure, qui est vraiment très jazz rock. Moi qui suis un peu batteur aussi comme mon père, ouais, j'ai essayé, mais Ian Paice, en fait, là-dessus, c'est carré, quoi. Mm. C'est carré. Bon, ils l'ont bossé, mais ils font du rock. En plus, à la fin, il y a un petit ton bluesy qui donne vraiment tout son truc au morceau. Non, Machine Head, je crois que c'est, ouais. Si tu veux vraiment commencer Deep Purple, tu commences par Machine Head. Ouais. Ouais. Et la version live, du coup, qui est juste après, qui est Live in Japan, c'est voilà, ça? Voilà. Enfin, qui était avant, en fait. C'est 72. Okay. C'est 72. En fait, ils l'ont rodé au Japon. Au Japon. Mais c'est monstrueux. Je pense que pour ceux qui veulent vraiment découvrir le rock de ces années-là, il faut écouter Made in Japan avant peut-être d'écouter Machine Head. Ok. Parce que Made in Japan, il y a Lazy, il y a The Mule, qui est un solo de batterie d'Ian Paice qui dure 10 minutes, mais là-dedans, le mec, il s'éclate. Puis t'as tous les gros morceaux, bah évidemment, t'as Smoke on the Water, etc., etc. Et les mecs, ils prennent du plaisir, quoi. Ils prennent vraiment du plaisir. Moi, j'ai eu la chance de les voir il y a 10 ans à Rouen, en Normandie. C'est des Brisca, ils ont 70 piges, mais les mecs ils prennent du plaisir, quoi. Et pour la petite anecdote, en fait, Steve Morse, le nouveau guitariste, parce que dans le morceau qu'on écoutait, c'était Ritchie Blackmore, le guitariste. Steve Morse, à la fin, il lançait ses chaussettes, quoi, dans le public. Donc, okay. En vrai, c'est encore relativement soft, hein, de balancer ses chaussettes. Oui. Ça va, c'est cool. Franchement, il n'y a plus. Ils ont fait plus trash. Bah, hein. C'était en décembre, donc toi, c'était des cadeaux de Noël, c'est ce oui. Dit, tiens, voilà. Oui, c'est sympa. C'est sympa. Josh, je te sens bien encyclopédique comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, c'est toi qui as proposé le suivant, à savoir High Voltage, mais pas par. Non, pas par AC/DC. Alors, bon, mon papa qui est à côté de moi m'a formé là-dessus, comme tout padawan qui se respecte. Il m'a formé dans Deep Purple, Hendrix, Zappa. Hein, beaucoup de Zappa, mais pas mal de morceaux éclectiques. Normal, je suis ton père. Voilà. Les fans apprécieront. Et ouais, ACDC, bon, bah pareil, on parlait des gros tubes. Il y a How It Well, qui est toujours un classique, mais moi, c'est pas mon préféré, en fait, quoi. Moi, je suis plus. Je suis plus High Voltage, en fait, qui est l'un de leurs premiers gros albums. Mm. Et un jour, je me baladais dans la galaxie YouTube, tu vois, et je suis tombé sur ce truc-là joué par des filles et des Françaises en plus. Et tu te dis ouais, enfin c'est un tribute band, mais les demoiselles elles assurent, quoi, mais elles assurent vraiment très très bien. Et du coup, c'est qui? Les Ladies Ballbreaker. D'accord. Elles jouent que du. Elles jouent que du AC/DC. Mais ce qui est rigolo, en fait, c'est que je vous conseille d'aller voir sur YouTube. En fait, la guitariste est vraiment comme Angus Young lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, elle a vraiment la tenue d'écolière avec la Gibson SG. Ok. Et ouais, c'est vraiment kiffant, quoi. Mais c'est ouf parce que c'est quand même un groupe qui est quand même pas mal établi, vu que ils sont sur Spotify. Ils ont leur live à l'usine, live at l'usine. C'est quand même un peu mignon comme pour un groupe français de se faire un petit comme ça, un petit nom un peu anglophone. Et ouais, quelque part, si elles ont leur album, donc ça veut dire qu'elles ont dû payer les droits, les machins, les trucs, c'est qu'on est quand même sur une production relativement sérieuse, quoi. Ah bah je pense. Et de toute façon, le journaliste et puis le fan de rock et Antoine Decaune, il les avait rencontrés lors de son émission qui passait sur une chaîne cryptée française. Et il a, même lui, qui était un gros fan de rock, il a dit ouais, je suis ressorti de l'interview, c'était génial. Quoi. Les demoiselles savent de quoi elles parlent et elles savent vraiment ce qu'elles font, quoi. Et puis ça, c'est du AC/DC au féminin et ça déménage vraiment pas mal, quoi. Et au final, est-ce que c'est pas une reprise à 100% pareil? Je pense qu'elles ont un peu leur. Bah, en fait, elles gardent à peu près le même groove, enfin la même colonne vertébrale, mais en un poil plus péchu quand même qu'à l'époque. Ok, d'accord. Eh bah, High Voltage par les Ladies Ballbreaker. Les mecs, vous êtes là! Les filles, vous êtes là! High Voltage, Ladies, Bolt Breaker. J'ai coupé ça très vite, très fort, pardon, mais c'est pas grave. Merci beaucoup pour cette petite proposition, Joss. Bah de rien. François. Oui. On part sur quelque chose d'un petit peu plus. Un peu plus doux. Peu plus dans la délicatesse. Raconte-nous, dis-nous tout. Il y a une histoire de clope, un peu quand même. Non, pas du tout. Ah oui, oui, oui. Ah. Oui, par rapport au nom du groupe. Oui. En fait, voilà. Donc. J'étais un petit... Bon, j'étais jeune toujours. Et donc, j'avais à peine 20 ans. Et toujours un petit job d'été. Et donc, cet été-là, j'ai fait une colonie de vacances en tant que moniteur. Et j'ai rencontré quelqu'un qui est, bon, bref, qui est devenue ma femme. Et voilà, un petit bisou à Tom Harris. Et donc, on rencontre des gens, on discute, et puis l'atome crochu, entre autres, la musique, une passion, parce que, bon, Maryse aime beaucoup la musique, et donc on parle de groupes qu'on connaît en commun, Genesis, des groupes comme ça des années 70, et à un moment, on parle d'un groupe Camel. J'ai dit, quoi, Camel? Qu'est-ce que c'est? À part des cigarettes, elle me dit non, c'est un groupe et tout. Donc elle me fait écouter ça, c'est un peu du la musique progressive et avec de la flûte, du chant, de la guitare, enfin un truc que je connaissais pas. Et moi je voulais connaître quoi. Donc elle m'a fait connaître ce groupe là. Et puis j'ai vraiment trouvé ça très bien. Et puis du coup j'ai acheté plusieurs albums et je reste sur ce groupe là. Disons cet album là pardon qui s'appelle Mirage. Et la pochette ça représentait ce qu'on voyait à l'époque sur les paquets de cigarettes. C'est pas bien. Ne fumez pas, c'est pas bon. Et donc c'est le fameux chameau. Mais sur la pochette, il est un peu troublé. La pochette est un peu trouble et dedans, il y a ce fameux morceau qui s'appelle Super Twister. Voilà. Donc ça me rappelle ces souvenirs-là et puis c'était vraiment une découverte. J'avais jamais entendu ce genre de musique. Et donc voilà. Et ça avait quoi de spécial, de différent par rapport à ce que tu écoutais? C'était comment dire? C'était moins bon les grosses guitares et tout ça, c'était plus mélodique, de la flûte traversière, une voix légère et tout. Ça, bon, ça criait pas comme comment dire Robert Plant dans Led Zeppelin ou comment dire Ian Gillan dans Deep Purple. Donc c'était une voix assez calme, assez douce, et puis ça montait crescendo, et puis les on voit que les musiciens pareil ils savent jouer d'un instrument quoi. C'est pas quatre accords et deux coups de baguette, c'est quelque chose qui tient la route et c'était vraiment intéressant. Ça voilà, ça m'a accroché. OK, Super Twister par Camel. Et ça ira mieux si je monte le son. We'll be right back. C'était donc nos amis de Camel et Super Twister. Merci François. Là on passe sur toujours un peu dans une relative douceur, Joss, avec The Lonely Bears. Bah oui, parce que bon, il est à côté de moi, mais je vais quand même le faire une petite dédicace. C'est son anniversaire dans quelques jours. Ah hein. C'est mon papa. Quand j'étais petit, il m'a fait, bon voilà, il m'a fait découvrir pas mal de trucs, donc Frank Zappa. Et je sais en plus, il l'a dit en off, il avait acheté l'album pour le batteur. Alors pour ceux qui font de la batterie ou même qui aiment bien la musique, voilà, qui aiment, je vous conseille d'écouter vraiment les morceaux de ce mec-là, Bozio, Terry Bozio. Moi, on l'a vu en live à Compiègne en clinique. Il a un kit de batterie qui fait quasiment un arc de cercle en fait, quoi, un truc gigantesque. Et le mec, en fait, il est, bon, voilà, c'est un, techniquement, il est super balèze. Et quand j'étais petit, quand j'étais vraiment petit, ouais, je devais avoir quoi, 5-6 ans peut-être, ou même un petit peu avant, je me rappelle de souvenirs dans une deux chevaux Bordeaux, on écoutait ce morceau-là, quoi, en fait. Et moi, il m'a toujours suivi toute ma vie, en fait, quoi, ce truc-là. Encore aujourd'hui, je l'écoute de temps en temps, quoi, voilà, histoire de me motiver. C'est, alors, ouais, c'est du jazz rock, mais il y a, enfin, vous l'entendrez, il y a beaucoup d'influences indiennes, parce que c'est un groupe qui a beaucoup pêché dans tout ce qui est musique amérindienne, en fait, quoi. Et d'ailleurs, il y a un concert de ces mecs-là. Amérindienne d'Amérique du Sud. Ouais, ou... Amérique du Nord, en fait. Amérique du Nord. Et d'ailleurs, il y a un super concert qui est sur YouTube, qui a été enregistré en Allemagne dans les années 90. Bon, le son est pas super super, mais techniquement, c'est assez balèze, ouais, c'est assez balèze. Vraiment balèze. Ok. Et ce morceau-là, Our Red Sea, t'as un truc spécifique Bah, comme je te dis, en fait, c'est un morceau que je connais. Enfin, vous allez entendre, en fait, il y a une sorte de thème. Il y a un petit thème, je crois, qui est joué à la flûte traversière, je crois, ou au bois. Je me rappelle plus. Enfin, qui est joué avec un... À la clarinette. À la clarinette, tout à fait. En fait, ça commence tout doucement et ça monte crescendo. Et ouais, tu sens vraiment Bozo derrière, il s'éclate, quoi. Et après, ça se finit vraiment tout doux, quoi. Mais c'est vraiment sympathique, vraiment très sympathique. Ok, The Lonely Bears, Our Red Sea, avec toujours la sagesse en arrière-fond. Et voilà, c'était le, The Lynn Lambers, Our Red Sea. Ça met la patate, hein, les gars, quand même, quoi. Ça, ça envoie pas mal. C'est plutôt sympa. On aime beaucoup. On aime beaucoup, avec beaucoup, beaucoup de batterie. Ouais. François, François nous décrivait, nous décryptait le morceau au niveau de la batterie. On était bien contents. Petite interlude pour annoncer que maintenant la technique, ce n'est plus moi, mais bien Nicolas qui est avec nous. Bonjour Nicolas. Hello. Qui est arrivé en cours. Hello. Et voilà, Nicolas, la technique, ouvre son micro. Voilà, c'est cool. On va continuer dans des choses plus mélodiques, François. Oui, avec... alors, c'est un groupe que j'aime bien, forcément, mais c'est un groupe qui fait du jazz, comme on appelle vulgairement, du jazz rock. Donc, c'est un groupe qui s'appelle Sixson. Et c'est un groupe que j'ai découvert à un certain moment de ma vie, quoi, bref. Et donc, on écoute des disques et tout. Et un jour, dans sa ville, qu'est-ce qu'on voit afficher ? Sixson en concert. Donc, on y va, on est content. Donc, ce soir-là, je vais voir le groupe Sixson à côté de chez moi. Et à la fin du concert, bon, le concert, j'étais heureux, j'étais content. Très, très bon musicien. Avec, bon, j'aime beaucoup la batterie, j'en joue un petit peu à la batterie, un certain monsieur Paco Seri. Et vraiment, un superbe concert. Donc, à la fin, on sort du concert, on boit un petit verre dans le hall de la salle de spectacle. Et du côté des loges, d'un seul coup, je vois quelqu'un arriver. Tiens, salut, tu vas bien, Pierre ? Il me dit ouais. Et à ce moment-là, Pierre me dit est-ce que ça te plairait de venir boire un coup à la maison avec le groupe ? Oui. Alors là, Tex Avery. Oui, s'il vous plaît. Oui. Si vous connaissez Tex Avery, la bouche qui tombe par terre et tout, là, j'étais sur le cul, quoi. Et donc, donc, je vais chez lui, avec tous les musiciens, le bassiste nous prépare un petit mojito, une soirée avec des plats et tout, enfin, c'était un truc de fou. Et en fait, le copain, il connaissait le groupe, c'était des potes, quoi. Et donc, on a passé toute la soirée jusqu'à 4h du matin, à discuter, écouter de la musique, mais c'était cool. Enfin, c'était pas le gros fan qui se jette sur le musicien, quoi. Et à un moment donné, j'ai discuté avec tous les musiciens. C'était vraiment sympa. Et entre autres, le batteur Paco Seri, parce que bon, j'adore la batterie. Et donc, à un moment, je lui dis, écoute, j'ai acheté ton album solo, tel album et tout. Il fait, il est où ? Comme ça, il me dit, il est où ? Dans ma voiture. Va le chercher. Je vais le chercher. Et donc. Il m'a dédicacé, mais il m'a raconté tous les morceaux du groupe, parce qu'il joue de la batterie, mais il joue aussi de la basse, et il m'a décrit toute la structure de l'album, et tel morceau, il avait joué de la basse, tel morceau qui était comme ci, comme ça, avec Angeliki Jo, enfin, plein de gens, enfin. Donc, c'est un truc de fou, quoi. Une soirée inoubliable, quoi. Donc, c'est un groupe vraiment sympa, et les musiciens sont très, très sympathiques. Donc, ça s'appelle... Le morceau s'appelle Emergency et c'est un morceau du groupe Sixson. We'll be right back. Emergency Sixen, ce groupe dont François a bien fait la connaissance pendant toute la nuit à faire la fête. J'aime bien, j'aime beaucoup ce genre d'histoire, c'est très très chouette. Joss, ouais. On reste dans des histoires de dents, puisque François est prothésiste dentaire et que l'ami qu'il a invité à sa soirée était dentiste, ouais. C'est bien ça. Ouais. Restons dans la dentisterie. Oui, parce que j'ai un cousin, Florent, qui est dentiste. Ok. Voilà, qui est... Si un jour on passe en Bretagne, vous allez à Baden, il est très sympa comme mec. D'accord. Et qu'on se casse une dent. Ouais. Voilà, tout à fait. Non, mais t'inquiète pas, il est spécialiste en implants, il te fera des prix. Et il s'est marié, ce bon vieux Florent, il y a 2 ans, en Bretagne. Mais enfin, un truc super cérémonie, enfin voilà, vin d'honneur nickel. Et alors je sais pas si c'est une déformation professionnelle, mais il adore le blues du dentiste d'Henri Salvador. Il adore. On lui avait joué, c'était à l'époque aux 20 ans de Fanny, on avait fait ça, on avait fait un petit bœuf, voilà, avec et on avait joué ça, et on s'est dit avec papa, bah voilà, on va lui jouer quoi. Et ouais, il était super content. Et le blues du dentiste, en fait, c'est un classique un peu, c'est un des plus gros classiques d'Henri Salvador. Et je me demande d'ailleurs si le morceau qu'on va écouter, c'est pas un live qu'il avait fait. Alors si vous entendez un mec parler en anglais, ça peut être Ray Charles, parce qu'il avait joué avec Ray Charles, etc. Et d'ailleurs, Taratata, je sais pas si vous... Enfin, l'émission de Nagui, ouais. Yep. Ils avaient repris ce morceau-là. Alors c'était Tiki Olgado, qui était un acteur français qui avait joué dans pas mal de super films avec Junio, avec tous ces mecs-là. Et le guitariste en face, c'était Paul Persson. Donc vous tapez le blues du dentiste, Paul Persson, Tiki Olgado, c'est génial. Et c'est vrai que ce morceau-là, en fait, il met la pêche parce que ça raconte vraiment une histoire qui peut arriver. Bah, on parlait des cartoons dans un truc dans la quatrième dimension. Quoi. Si vous écoutez bien les paroles, c'est un truc de malade. Quoi. C'est... Bah, je vais pas spoiler, mais c'est une histoire bien bien bien marrante quoi. Et puis papa l'avait dit en off, l'orchestre derrière, ça avait été orchestré par Quincy Jones, qui est le monsieur, enfin qui avait bossé avec des mecs comme qui avait bossé avec Michael Jackson en fait, ouais. qui était quand même la base, un grand nom du jazz, et ouais. Puis qui s'est bien fait plaisir après en pop avec plein de gens dont effectivement les plus gros albums de Michael Jackson. Et d'ailleurs à l'époque, dans les années 50 en fait, il était jeune trompettiste en devenir, et à Seattle il croise la route de qui? Henri Salvador là tu veux dire? Non, Quincy Jones. Il est à Seattle et il croise la route de qui? Ray Charles. Et pendant des années, ils sont devenus potes en fait. Quoi. Ok. Donc, et d'ailleurs, juste pour finir, Quincy Jones a signé aussi la bande-son du film Austin Powers. C'est lui qui fait le thème Austin Powers. Quoi. Donc c'est très éclectique le monsieur quand même. Quoi. Ok. Enfin, bon, dans ces chansons-là, quand on l'entend, on n'a pas envie d'aller chez le dentiste. Non, pas vraiment. Et donc là, on revient à Henri Salvador. Ouais. Peut-être avec Ray Charles qui est dans le public quelque part et qui parle un peu micro. Bah, en fait. Si c'est vraiment le morceau, je pense en fait celui qui joue le piano et qui joue avec Henri Salvador, c'est Ray Charles. Ok, c'est la classe quand même. Bien joué, Henri Salvador. Le blues du dentiste dans le Memento Famille sur Radio Panique. Ce matin-là, en me levant, j'avais bien mal aux dents. Oh là là, je sors de chez moi et je fonce en pleurant chez un homme durant. Quel dentiste de son état et qui pourra m'arranger ça? Salle d'attente est bourrée de gens, et pendant que j'attends, oh là là, sur un brancard passe un mec tout blanc porté par 2 masters. Je me lève déjà pour foutre le camp, mais l'infirmier crie au suivant. Debout devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. Il me pousse dans le fauteuil et crie en piste. Il a des tenailles à la main. Oh maman, j'ai les guiboles en fromage blanc.

Alors, I Change My Heart de Joe Cocker. Et Jocelyn, tu vas nous expliquer comment tu l'as connu. Bah, Joe Cocker, c'est toi qui me l'as fait découvrir, mais c'était il y a quelques années, en 2005, en Angleterre. J'étais en. J'étais parti en famille, enfin pendant l'été 2005, en juillet 2005. On était en famille avec un pote de collège, et puis voilà, les familles nous ont dit, bah, on va vous emmener à un concert en plein air, en Angleterre. Donc on n'avait pas vu la prog, et il y avait du monde, mais c'était pas non plus, enfin, peut-être une centaine de personnes, quoi. Et d'un seul coup, on voit un mec arriver sur la scène. Bon, mais le mec, enfin, cool, quoi, jean, basket, voilà, et puis il commence à chanter. Et là, je regarde mon pote, je fais, attends, on dirait Joe Cocker, le gars, quoi. Et il chante, et je le regarde, je fais, ouais, c'est Joe Cocker. Il me dit, c'est qui Joe Cocker? J'ai fait, attends, Joe Cocker, c'est un mec qui a fait Woodstock, c'est pas. Et en fait, je m'attendais pas du tout, quoi. Et j'ai eu une heure de Joe Cocker. Il a fait Unchained My Heart, il a fait tous ses gros tubes. Enfin, c'était génial, quoi. Et par contre, derrière, bon, un peu moins bien, on a enchaîné avec Bonnie Tyler, donc c'est un autre genre. Mais voir Joe Cocker en plein air, enfin, c'était monstrueux, quoi. Il en faut pour tous les goûts, hein. Ouais, mais. Bonnie Tyler. Ouais, mais Joe Cocker, Bonnie Tyler, je sais pas si le mélange va. Enfin, ah, sais ça pas, finit si... en heure. Ouais, si tu veux. Ouais, mais en termes de progrès, c'est quand même. Ça, c'est pas le truc qui a le plus de sens non plus, quoi. Non, mais bon, après, je pense que c'était vraiment un petit festival anglais. Et puis. Ah ouais, non, j'ai quand même eu la chance de voir Joe Cocker, quoi. Donc, mais du coup, il devait être déjà pas mal âgé quand même. Il avait encore de la pêche. Ouais, il avait la pêche. Ouais, franchement, il avait la pêche. Mais tu sentais que. Ouais, il était fatigué. Mais. Il envoyait encore quand même pas mal, et puis c'était vraiment sympa. Mais c'est un truc totalement inattendu, en fait, que j'ai eu la chance quand même de voir ce mec-là, quoi, quand même, quoi. Bien rougé. Merci, les échanges internationaux et autres petites sympathies. Nicolas, oui. tu restes dans un esprit anglais. Très anglais. Ouais, plus ou moins, avec une petite découverte, comme d'habitude, que je fais à la radio, que je Shazam, et je suis tombé par hasard là-dessus sur une chanson qui s'appelle Skinhead Moon Stomp, d'un groupe qui s'appelle Simarip, qui est un peu l'inverse. Quand on l'inverse dans l'autre nom, ça fait un peu pyramide phonétiquement, voilà. Pourquoi, je ne sais pas, j'ai pas trouvé ou pas assez cherché pour trouver l'explication, mais voilà. Mm-hmm. Là où j'ai un peu tiqué, bah, c'est déjà sur le mot skinhead, je me dis, tiens, bizarre. Je me renseigne un petit peu, puis le groupe est noir, venant d'Angleterre, ils ont des origines jamaïcaines, parce qu'il y avait beaucoup d'immigrés qui sont arrivés là-bas pour travailler en Angleterre après la guerre. Je dis bon, ça doit peut-être être une chanson de révolte contre les skinheads, et pas du tout, en fait, c'est vraiment une hymne à la gloire des skinheads, qui était la fanbase principale de ce groupe-là. Je me dis, tiens, c'est quand même curieux quand même, quand pas skinheads, a priori, les noirs, c'est peut-être pas les plus grands amis. Ben, en fait, le groupe des skinheads, c'est un groupe qui a une histoire totalement folle, totalement particulière. À la toute base, dans les années 60, donc en Angleterre, il y a un peu les hipsters de l'époque, qu'on appelle les mods, qui écoutent du jazz moderne, d'où le mot mod. Et c'est des jeunes un peu classe moyenne, qui aiment bien écouter de la musique noire, du jazz notamment, je viens de le dire. Et c'est des jeunes un peu privilégiés. Et plus les années vont passer, plus ces jeunes privilégiés, eh bien, vont plus faire écho aux plus jeunes de ces hipsters-là, qui vont dire, ouais, mais moi... Le jazz, ça tourne un peu psyché en plus dans les années 60, rock psyché, pop psyché, et ils se retrouvent plus trop là-dedans. Et donc du coup, ils vont un peu quitter ce monde du jazz et chercher d'autres musiques noires qui peuvent les intéresser. Et ils vont se retrouver dans les quartiers jamaïcains de Londres, des grandes villes en Angleterre. Et là, ils vont trouver un peu leur alter ego jeune jamaïcain de la classe ouvrière cette fois-ci, qui travaille dans les usines. Et c'est des jeunes noirs qui ont, parce qu'ils travaillent dans les usines, les cheveux rasés, tiens, comme les skinheads, qui ont des pantalons jeans un peu épais, un peu trois quarts comme ça, comme les skinheads avec Doc Martens, etc. Et en fait, les deux groupes, les jeunes un peu qui veulent quitter la mouvance un peu hipster, jazz, vont se reconnaître dans ces jeunes ouvriers jamaïcains arrivés en Angleterre, qui eux écoutent du reggae, du ska, etc. Donc en fait, les premières musiques qui vont regrouper les premières générations de skinheads, en fait, c'est du ska, c'est du reggae, il y a même du skinhead reggae. Vas-y, Joss. Ouais, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, c'est aussi à cette époque-là, enfin les mods, il y a le grand groupe qui s'appelle les Who, qui s'inspire de ça, et justement tout ce qui est reggae ska, ça a beaucoup inspiré aussi un groupe qui est mondialement connu qui s'appelle The Police. Les influences jamaïcaines ont aussi pas mal traversé. De toute façon, l'Angleterre, ça a été toujours un terreau culturel de musique divers et variée, quoi. Exactement. Et il y a des groupes un peu plus tard comme Madness, etc., qui sont aussi toujours restés dans cette mouvance ska. Et donc, bah, ce titre, Skin Em, c'est l'empreinte de la Doc Martens, c'est un peu comme l'empreinte sur la Lune, comme ça. Hein. Bah, c'est vraiment à la gloire pour remercier un peu tous ces jeunes Anglais qui viennent assister à ces concerts de reggae, de ska. Donc, on va l'écouter tout de suite. Ouais, petite précision, ouais. Je me rends compte que je vois l'horloge qui défile. Et c'est donc le dernier morceau déjà de cette émission. On avait plein de choses à vous passer encore, désolé. Mais voilà, merci d'avoir écouté le Memento. Merci François, merci Jocelyn pour vos histoires, vos propositions. Tous très très cool. Merci Memento, merci Radio Panique. Avec grand plaisir, merci Radio Panique, c'est vrai ça. Et bien donc passez une très bonne soirée sur Radio Panique. On se quitte avec avec le titre Skinhead Moonstomp de Sima Rip. Et juste après ce sera nos amis de Réservoir Dub. Passez une bonne parfait soirée. Parfait comme transition je pense. Et effectivement. Ciao. I want all you skinhead to get up on your feet. Put your braces together and your boots on your feet and give me some of that old moon stamping. Get ready. We got 3 million miles to reach on the moon. So let's start getting happy now. Ready? Yeah, yeah, yeah, yeah. That everything is thick and strong. Alright? Yeah. You gotta make sure you shine your boots. Brush your teeth. Because the man on the moon looking different from man on the earth. That's what I say, boy. Now remember, I'm your boss, Skinhead speaking. My name is Caleb. All right. And remember, I'm the boss. You can see, look on my foot. Or my feet, whatever you want to call it. You can see I've got the biggest boots. That's all right. Now, when I say sing, I want everybody to get in the groove and start singing because we're on the moon. Ready? Gotta wait till you get back to Earth to have a drink. Okay? Yeah! Alright. Now, we wanna make sure that everybody's still in the groove when we get back. So let's start singing one more time. Ready? Yeah! Yeah, yeah, yeah!